Comme à tous les lundis en fin d'émission, on parle avec Raymond Poirier de Technologie d'Information. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et la semaine dernière, donc avec l'ITIS, vous aviez organisé le colloque sur le transport électrifié intelligent et interconnecté. On en a parlé avec un des panélistes d'ailleurs, et cette semaine, bien, on fait un retour là-dessus. Exactement. En fait, sujet quand même assez intéressant, assez pertinent aussi, évidemment, dans le contexte actuel, notamment avec toutes les questions environnementales. C'est d'ailleurs peut-être un peu le premier moteur derrière toute la question de la réforme des transports, même l'idée d'électrification. On se dit qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. On se rappelle quand même que juste en matière de transport, ça représente quoi, à peu près 43% des émissions au Québec, 14% des émissions dans la sphère mondiale. Il y a aussi une question de dépendance économique au pétrole qui a été abordée. L'idée, par exemple, que simplement au Québec, en 2010, on dépensait à peu près quoi, 11 milliards de dollars simplement en pétrole pour alimenter principalement des éléments liés avec le transport. Alors, on dit, bien, regardez, cette réflexion-là, elle a un intérêt pour développer une expertise, permettre à des entreprises de se démarquer, de grandir en dynamisme et éventuellement, bien, d'en venir à créer de la richesse, à créer des emplois, à créer des opportunités d'exportation en disant, bien, ici, au Québec, on a des ressources autour de l'électricité. Donc, il y a un potentiel de ce côté-là. Mais par contre, et ça, c'est les deux autres termes que tu as mentionnés dans le titre du colloque, donc l'idée d'intelligence et d'interconnexion. L'idée qui est beaucoup ressortie au fil du colloque, c'est de dire il faut pas seulement électrifier les transports. C'est pas la finalité. La finalité, c'est de repenser nos manières de se déplacer, ouais, quitte à en venir carrément à un changement culturel, à aller quand même assez loin de ce côté-là. Et donc, l'électrification, c'est un des éléments qui vient appuyer l'idée d'interconnexion, donc l'idée qu'on peut connecter différents modes de transport, différentes approches, et l'idée d'intelligence aussi avec les transports robotisés, les capteurs, les automobiles sans conducteur, etc. Donc, ça, c'était une partie, mais on avait commencé à parler d'ailleurs avec, avec l'invité la semaine d'avant. Oui, exactement. Enfin, on avait abordé notamment la question de la batterie, de la recharge. C'est évidemment le nerf de la guerre et c'est aussi beaucoup ressorti dans la section où on parlait spécifiquement des transports électriques. Donc, l'idée qu'il faut trouver des manières de mieux stocker, de manière plus économique, l'électricité dans les véhicules. Quand on achète une auto hybride, donc c'est essentiellement ce qui coûte le plus cher, c'est la batterie. Quand on achète une auto électrique, c'est ce qui fait la majorité du coût. Évidemment, avec les années, avec l'économie en essence, ça s'estompe. Mais plusieurs conférenciers ont dit, ben, peut-être qu'il faudrait essayer de bonifier les possibilités pour les gens de se procurer ces véhicules-là en disant, ben, peut-être, par exemple, vous avez un crédit d'impôt si vous achetez une automobile électrique. Donc, pour réduire ce blocage-là, parce qu'évidemment, à l'achat, on se dit ça coûte plus cher, j'ai peut-être pas envie d'essayer d'en acheter. On pense pas nécessairement, on n'a pas toujours les moyens de penser à long terme. Donc, ce serait un peu de donner ces moyens-là. Et évidemment, en gardant en tête aussi que, et comme l'invité de la semaine dernière le mentionnait, ça va quand même changer aussi assez rapidement, parce que on le disait, c'est le nerf de la guerre. Donc, le gros de la recherche et développement se fait aussi là-dessus. Ce qui fait qu'à moyen terme, on va arriver quand même avec des batteries qui vont être beaucoup plus économiques que les systèmes actuels. Donc, il y a cet élément-là à garder en tête. Et en même temps, ben, plusieurs conférenciers ont aussi signalé le potentiel des batteries pour intégrer dans la gestion électrique de la province. Donc, l'idée, par exemple, de contrôler les pics d'électricité. C'est revenu d'ailleurs notamment chez Hydro-Québec, notamment chez certains conférenciers de l'Université Laval, où on disait, dans le fond, la consommation d'électricité n'est pas constante. Non, c'est ça. Donc, il y a des périodes de la journée où on en prend beaucoup plus, des périodes où on en prend beaucoup moins. Et donc, de quelle manière on peut essayer de contrôler les périodes où on en prend plus? Parce que, évidemment, bon, dans la production d'électricité, autant que dans la facturation, dans les périodes de pointe, ça coûte un peu plus cher d'avoir de l'électricité, d'en produire et donc d'en consommer. Donc, de quelle manière on peut contrôler ces pics-là pour permettre aux entreprises de faire des économies qui sont tout de même intéressantes. Et exemple, Christian Gagné, justement, faisait une étude à la grandeur du campus dont il a parlé au colloque et où il a essayé d'intégrer, de faire une moyenne en fond mathématique avec les possibilités de stockage des différents véhicules électriques, les coûts pour les alimenter pendant la journée et les économies que ça représenterait si on contrôlait les pics d'électricité de l'Université Laval et on intégrait avec une variation d'économie d'entre 1 700 et 4 000 $ par mois. Bon, c'est pas énorme, on s'entend, mais quand même, ça représente quelque chose d'intéressant. Et évidemment, si on est en mesure de faire ce type de gestion-là pour amoindrir les pics à diverses gestions, bien, socialement aussi, ça peut devenir un argument additionnel, si on peut dire, pour le potentiel de l'électricité, puis pour un développement de batterie qui serait pas unidirectionnelle, donc simplement destinée à être chargée, mais une batterie bidirectionnelle, donc qui pourrait charger, mais qui pourrait aussi redonner au réseau pour permettre justement de gérer les pics. Mais Raymond, je ne sais pas si tu es en mesure de nous parler de ce point-là, mais tu l'as mentionné tout à l'heure, de repenser la manière de déplacement. C'est bien beau la voiture électrique, mais c'est pas seulement de remplacer notre voiture à essence par la voiture électrique. Là, c'est beaucoup plus que ça. C'est le réseau au complet, et quitte à prendre deux ou trois transports, ou c'est pas juste prendre l'autobus non plus. Là, c'était vraiment plus que ça, la réforme, disons, d'un transport électrifié intelligent et interconnecté. Oui, il y a même des conférenciers qui ont été encore plus loin que ça, j'ai envie de dire. Dans la mesure où on disait, ben, repensons même l'idée de possession. Est-ce qu'on a besoin, dans les nouveaux contextes de transport qui s'en viennent, de posséder une auto? Et à la limite, est-ce que l'idée de posséder une auto, c'est une vieille idée? C'est un vieux standard. Dans la mesure où certaines études ont démontré que les jeunes aujourd'hui ont plus envie d'avoir un téléphone intelligent, un iPod, un portable, que d'avoir une automobile. Et tranquillement, ben, l'autopartage fait de plus en plus sa place. Et donc, dans un contexte où on a des possibilités d'auto-intelligence, dans un contexte où on a accès à des données, à des applications mobiles intéressantes, dans un contexte où les autos peuvent être potentiellement électriques, ben, imaginons donc un système où on aurait plusieurs bornes de recharge, plusieurs lieux où les automobiles seraient stockées, et un peu comme le système de Bixi à Montréal, ben, dans le fond, on a une application. On dit, OK, il y a une auto qui est disponible à telle place, veux-tu aller la prendre? On va la chercher, on la laisse à une autre station, on poursuit notre chemin, et comme ça, d'avoir accès à des autos qui sont ni plus ni moins en libre-service. Et il y a des recherches qui sont faites pour essayer de voir justement quel type de modèle d'automobile on pourrait développer autour de ça. Parce que est-ce que ce serait donc nécessairement l'auto comme on la connaît là, ou ce serait des autos un peu plus légères qui seraient destinées justement à un transport urbain? Et il y a même c'est intéressant, en fait, il y a des industriels qui essaient de développer justement l'idée, on offre donc une auto légère en ville, donc une petite auto destinée à la conduite urbaine, un peu dans l'esprit de la Smart, mais électrique, donc quelque chose de léger. Évidemment, c'est pas nécessairement avec ça où on va se dire, bon, OK, on fait le parc des Laurentides ou on va faire le tour des États-Unis. Si on a envie, on a besoin, pour ne serait-ce qu'une question de chargement, d'avoir quelque chose d'un peu plus gros. Et donc, il y a des industriels qui disent, ben nous, si vous achetez cette auto-là, ensuite, vous appelez nos détaillants, et quand vous faites des gros voyages, on vous prête gracieusement une automobile plus massive pour vos déplacements interurbains. Mais ce serait extrêmement efficace, mais d'un point de vue vraiment très, très personnel. Après la chronique de la semaine dernière, j'ai réfléchi un peu à mon rapport à mon auto, et c'est ce que je me disais, est-ce que je pourrais m'en débarrasser? Il y a beaucoup de choses que je peux faire à pied, hein, mais j'ai des amis qui vivent un peu à l'extérieur, c'est des gens que je vois régulièrement. Y aller en transport en commun, ça serait compliqué. Donc, d'avoir ce genre de voiture sans que j'ai besoin de m'abonner ou quoi que ce soit qui serait un peu disponible, ce serait vraiment idéal, et selon moi, pas juste pour... Je pense que je suis pas toute seule dans mon cas, là. Et en parallèle, ça c'est pour le déplacement de personnes, mais aussi tout le déplacement de marchandises. Parce que la quantité de camions de matériel qui circulent, ben, est quand même assez importante aussi. Alors, est-ce qu'il y aurait possibilité, par exemple, de repenser le mode d'arrivée et le mode de départ des denrées, des marchandises dans les villes? Si, par exemple, et l'exemple, c'est l'Internet physique, donc on dit, ben, chaque chargement, mettons, est dans un conteneur qui est normalisé. Ces containers-là peuvent se retrouver sur des bateaux, peuvent se retrouver sur des camions. Ils vont se déplacer de ville en ville, mais plutôt de zone en zone, disons-le comme ça. Et là, on arrive autour de Québec. On a des postes autour qui, nous permettent de laisser les marchandises. Celles-ci sont reprises et après ça, mettons, exemple, on s'en va en première couronne par des véhicules un peu plus gros qui les laissent ensuite dans une nouvelle série de stations. Et ensuite, les véhicules un peu plus petits qui les laissent dans des stations un peu plus petites. Et on tombe peut-être à la limite à vélo ou après pour le dernier kilomètre. Donc, l'idée qu'on peut repenser les manières d'amener les marchandises dans les villes. Et si on pousse un peu, il y a d'autres exemples qui sont sortis au fil du colloque. Il y a cette idée de, par exemple, pouvoir installer un système électrifié entre Québec et Montréal et dire, bon, on n'a plus besoin de camions entre Québec et Montréal. Ouais. On met ça sur des containers, puis ça part. Voilà. En 2h30, je peux arriver de l'autre côté. Et si il y a de la place, bon, on peut même, pourquoi pas, faire circuler les personnes aussi. Et donc, rendre à leur façon, pas nécessairement intégralement, mais rendre en partie obsolète le transport traditionnel. Mais je ne sais pas si on s'est rendu jusque-là. Normalement, dans le genre de discussion, on sort beaucoup d'idées, mais est-ce que ce serait faisable? Oui, en fait, de quelle manière ce serait faisable? Évidemment, il y a le changement des mentalités dont on a parlé qui ouvre quand même pas mal de portes. Il y a les nécessités environnementales qui ouvrent aussi, force d'admettre, pas mal de portes également. Mais le défi reste de réussir à bien à bien préparer aussi le terrain pour ces changements-là qui vont être d'une certaine façon nécessaires à un certain degré, à un certain moment, dans le contexte de notre évolution sociale. Donc, de quelle manière on peut faire, et ça, c'est un peu l'arrivée des politiques publiques, d'une certaine façon, donc de quelle manière on peut accompagner les gens là-dedans, de quelle manière on peut réaliser un projet collectif de transport durable. Et il y a quelques stratégies générales, si on peut dire, qui ont été identifiées comme et ont été appliquées à différents endroits dans le monde. Des stratégies d'apprentissage, par exemple. Donc, l'idée de changer les attentes, changer les normes, changer les cadres d'interprétation pour arriver à un changement de paradigme. Donc, d'essayer de proposer des visualisations, de construire des scénarios, de faire des projections. Donc, d'amener les gens à voir de quelle façon leur ville pourrait être différente avec ces nouveaux schémas de transport-là. Quel changement positif, quel changement en profondeur ça amènerait, qu'est-ce qui viendrait modifier dans leur routine de journée, quel changement, mais à petite échelle d'une certaine façon, là, parce qu'on a tendance à essayer de vendre des projets dans le très grand, mais évidemment, les impacts vont être dans le très petit. C'est l'individu dans tes déplacements au jour le jour. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et ensuite, essayer aussi d'inciter les gouvernements, justement, à mettre en place des politiques adaptatives, à servir de lien, de faire de la liaison technologique, mettre des stratégies en place, des gestions de transition, pour justement favoriser des nouvelles habitudes, pour éventuellement, en favorisant les nouvelles habitudes, mais en venir à changer les habitudes, ouais. Globalement. Je parlais au départ des crédits d'impôt, par exemple, qui pourraient être donnés pour aider à l'achat de véhicules électriques. Ça, c'est une stratégie, c'est une politique gouvernementale adaptative, donc qui vient favoriser justement des initiatives de transition comme ça. On identifie un blocage, on propose une manière de le régler, et cette manière-là dépend évidemment de la bonne volonté de l'État en quelque cas. Ah, mais changer l'habitude des gens, c'est pas facile. Raymond Poirier, est-ce qu'on retrouve un petit résumé des conférences qu'il y a eu lors du colloque sur le site de l'ITIS? Des petits et des gros résumés, c'est le même. En fait, je pense que les gens peuvent mettre la main sur un rapport d'à peu près 85 pages. Ah, super. Qui revient en partie et voire même au-delà de ce qu'on a dit ce soir. Alors, les gens peuvent aller sur itis.ulaval.ca et tout est dans l'onglet colloque 2014 d'électrification sur la page d'accueil. Alors, on ira lire ça. On a aussi possibilité de réentendre les chroniques qu'on fait ensemble. Raymond Poirier, chargé de communication à l'ITIS, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Sans faute. Au revoir. Alors,